إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول جل في علا في محكم تنزيله: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولن تخلق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. أيها المسلمون والمسلمات، نهانا الله سبحانه وتعالى عن الصفة الذميمة وهي الكبر، وأمرنا بضدها، وأمرنا بالتواضع. فالتواضع هو الذي يمشي بخشوع وبالسكينة، فالمتواضع هو الذي يمشي بالخشوع والسكينة. الله سبحانه وتعالى dans le Saint-Coran: ne marche pas sur la terre en pleine suffisance. Tu ne perceras jamais le sol avec tes talons et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. Ô musulmans et musulmanes, Allah nous a interdit l'orgueil. Il nous a interdit ce défaut, il l'a réprimandé. Et il nous a ordonné son contraire, qui est l'humilité. Et l'humble, c'est celui qui marche sur cette terre avec humilité et avec quiétude. فاعلم أيها المسلم، أيها العبد المتواضع، أن التواضع خلق يشمل خيرات كثيرة. فهذا الخلق هو الذي يتضمن ويشمل خلق كثيرة، فهو خضوع للحق، خضوع للحق، وانقياد له، وقبول لمن قاله في الرضا وفي الغضب. فيكون هناك شروط، فهذه الشروط: الخضوع للحق، والانقياد لهذا القول أو لهذه الأفعال، والقبول لمن قاله من الناس، ولو كان من الناس هؤلاء، لو كنت أنت غاضبا أو لا، ولو كنت تحب الشخص أو لا تحب الشخص، فعليك أن تقبل هذا القول أو الفعل. وهو كذلك خفض الجناح ولين الجانب، وكذلك وأن يرى لنفسك، أن ترى لنفسك قيمة فوق العباد، وأن لا ترى هذا، وأن لا ترى في نفسك قيمة للعباد، وأن لا ترى كذلك لأحد إلى نفسك بحاجة. Sache, ô humble serviteur, que l'humilité est un comportement, un caractère qui comprend énormément de bien, comme le fait de se soumettre à la vérité, de s'écraser face à cette vérité, l'accepter de celui qui l'annonce, même si l'on se trouve dans l'état d'agrément ou de colère. Donc c'est aussi la compassion et la douceur envers autrui. De même, il ne considère pas valorisant, il ne va pas se considérer valorisant ni supérieur aux autres. Ainsi, il ne faut pas qu'il se considère aussi indispensable, dans le sens où les gens croient et pensent que tout le monde doit revenir à cette personne. يعلم أخ المسلم أو أخ الإيمان، يعلم أخ الإيمان أن التواضع على دربين. التواضع نوعين، أحدهما محمود والآخر مذموم، واحد مقبول وواحد مردود. أما التواضع المحمود فهو التواضع المقبول لله، والترك والترك تطولي على عباده والازدراء بهم. وأما التواضع المحمود فهو تواضع المرء الذي فهو فأما التواضع المذموم وليس المحمود عفوا، التواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه، لذي الدنيا رغبة في دنياه. ولذلك فإن العاقل من فارق التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يترك التواضع المحمود على الجهات كلها. Sache, frère dans la foi, qu'il existe deux types d'humilité. L'un est louable et l'autre est réprimandé. Le louable, c'est donc d'être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser le sentiment de supériorité envers ses serviteurs. Par contre, celui qui est réprimandé et réprouvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être humble envers celui qui possède des biens de la vie d'ici-bas par convoitise de ceux-ci. Donc c'est celui qui recherche quelque chose dans la vie d'ici-bas. Donc il va accepter tout de cette personne qui est riche maintenant, ou de cette personne qui a ses biens dont la personne convoite, il va accepter tout de lui-même si ces choses-là seront contraires à l'islam. Mais le doué de raison est celui qui se sépare et délaisse l'humilité réprimandée dans tous les cas, et ni se sépare ou délaisse celui qui est louable en tout cas. اعلم ايها العبد المتواضع ان هذا الخلق الرباني العظيم لا يصح الا بشرطين. Sache au serviteur qui est humble que ce comportement, ce caractère qui est éducateur et illustre ne sera pas valable que par deux conditions. Il ne sera valable que d'après deux conditions. اولا الاخلاص لله سبحانه وتعالى فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من تواضع لله رفعه. والشرط الثاني وهو القدرة، فيقول عليه الصلاة والسلام من ترك اللباس تواضعا لله فهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يجبره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. والتواضع لله على درجين كذلك، أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من طاعة غير معجب بفعله ولا رأى له حالة توجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى عز وجل هو الذي يتفضل عليه بذلك، والآخر هو ازدراء المرء نفسه عند ذكره ما فارق من الآثام حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات، فيقول سبحانه وتعالى وكانوا لنا خاشعين. ويقول المجاهد مفسرا هذه الآية متواضعين. Donc sache, frère dans la foi, qu'il existe deux types d'humilité. L'un est louable et l'autre est réprimandé. Donc le louable, c'est donc d'être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser le sentiment de supériorité. Sache au humble serviteur, donc ce noble caractère éducateur n'est pas valable que à partir de deux conditions, que dans deux conditions. La première condition, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui s'humilie pour Allah sera élevé. Celui qui s'humilie pour Allah sera élevé. Le hadith est rapporté par les mêmes musulmans. Voilà. Et la seconde condition, c'est la capacité, le fait d'en avoir les moyens. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse l'habit ou le vêtement par humilité pour Allah, alors qu'il en a les moyens, Allah l'appellera le jour dernier au-dessus des créatures, afin qu'il le vêtisse du vêtement de la foi de son choix. Le hadith est rapporté par le Tirmidhi et l'authentifié. Donc bien sûr, cela ne veut pas dire que la personne ne va pas s'habiller ou s'habiller, c'est-à-dire comme si ressemblera au clochard ou à la personne la plus pauvre. Ça ne veut pas dire ça. Mais la personne a les moyens enfin, d'acheter ou de se vêtir d'un habit qui coûterait vraiment cher, mais il ne va pas l'acheter par humilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y aura toujours dans les habits, comme on retrouve cela dans toute chose, il y aura toujours des vêtements qui vont différencier, qui vont être trop exagérés. Parce que la personne peut bien s'habiller car ça fait partie du chouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, par rapport au shukr, il a demandé à une personne qui avait les moyens, qui avait toutes sortes de biens. Donc il lui a dit: est-ce que tu as donc toutes sortes de biens? Il a dû, le, La personne a répondu, il lui a dit de quel type de bien? Et il lui a dit donc les chameaux, les ovins, les bovins. Il avait tout. Il avait tout type de bien. Et il lui a dit avoir haine que on voit les traces de, son, de sa reconnaissance sur soi-même. C'est-à-dire que la personne a été sale, elle était, on aurait cru que c'était une personne qui était très pauvre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ce qu'on voit les traces de la ni'ma d'Allah sur soi-même, sans exagération. Donc la personne elle va rester dans le juste milieu dans ce domaine. Donc l'humilité aussi, bien sûr, on retrouve donc l'humilité qui est de deux types. Et il est donc c'est, on va retrouver donc celui du serviteur envers son Seigneur lors des adorations. Il n'est pas fier de ses actes et ne voit pas en lui les causes de sa suprématie. Mais plutôt, il sait que son Seigneur lui a octroyé ses actes. Il sait que ce qu'il fait, les adorations qu'il fait, il sait que bien sûr ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de lui-même. Et l'autre, c'est aussi le fait de se déconsidérer lorsqu'on est cité. La personne n'aime pas qu'on le vante. La personne n'aime pas, ne demande pas à ce que les gens l'élèvent en rang. Mais il aime que les personnes ne parlent pas de lui, ou bien il n'aime pas, la personne va s'éloigner, va toujours éviter, va demander aux gens de ne pas l'élever. Ce n'est pas ça qu'il recherche dans son but, dans son adoration. Donc il va être cité donc, du fait que l'on ne commet pas de péché, mais au point où il considère que personne sur terre quoi, est au-dessus de lui. Et en ce qui concerne les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc par rapport aux serviteurs qui pensent, hein, qui espèrent que les gens justement, qui voient en lui-même que les personnes sont supérieures à lui et lui se voit inférieur aux gens. Donc c'est ça vraiment le summum de l'humilité. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Anbiya verset 90, et ils étaient à notre égard pleins de recueillement. Et ils étaient à notre égard pleins de recueillement. Et comme l'a dit Mujahid, rahmallah, humbles, ils étaient mutawadi'in, c'est-à-dire qu'ils étaient humbles. Aqulu qawli hadha, astaghfiru qawli, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru innahu huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim Malik Yawm al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande d'avoir ces comportements qui sont les plus nobles, et parmi eux, donc at-tawadu lillah subhanahu wa ta'ala, la personne n'arrivera pas à recueillir et à avoir ses capacités que si elle va adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Fal-ibadatu لها ثلاثة أركان. العبادة لها ثلاثة أركان. الركن الأول وهو الأهم الحب، محبة الله سبحانه وتعالى. والركن الثاني الخوف أو الرجاء، يمكن أن نقول الرجاء قبل الخوف، رجاء لله سبحانه وتعالى. والركن الثالث الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لما يحب الله سبحانه وتعالى فهو يستطيع ويقدر على عبادته كما ينبغي. هي هذا ركن الواجب في العبادة، هو ركن أهم والأول، كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. فلا يمكن أن يكون شخص حامدا لله سبحانه وتعالى إلا أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، فهو يحب الله سبحانه وتعالى. فلما يقول الرحمن الرحيم ماذا يريد؟ يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا ركن عظيم، رجاء من الله سبحانه وتعالى. ولما يقول كذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فهذا يوم عظيم، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة، كما قال العلماء زيادة في المبنى زيادة في المعنى، بمعنى أن هذا اليوم له أكثر من 80 اسما، له أكثر من 80 اسما. فهذه الأسماء كلها تدل على عدم هذا اليوم مالك يوم الدين. فماذا يقول في بعد ذلك؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول العلماء كما قال ابن القيم رحمة الله عليه بهذه الثلاثة، الآية الأولى إياك نعبد وإياك نستعين بهذه الثلاثة، فبهذه الثلاثة الأركان الحب والرجاء والخوف، فهذه الثلاثة الأركان نحتاجها يعني في كل عبادتنا حتى نكون من الذين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه العبادة إياك نعبد هي الإنابة، الإنابة بمعنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وإياك نستعين على هذه التوكل أو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إياك نعبد وإياك نستعين هذا يدور فيه عليه الدين كله، يدور عليه الدين كله. هذه الآية تكفي لكي نعرف الدين يعني كله، بمعنى الدين ينقسم إلى قسمين، الإنابة وهي العبادة والتوكل على الله. فالذي يتوكل على الله فهو المؤمن الحق، لأن بتوكله يستطيع ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في صغاره وكباره من الأشياء. الله سبحانه وتعالى une fois que nous a demandé d'avoir d'acquérir ces nobles comportements, ces nobles comportements ne seront pas acquéris que si l'on passe par quelque chose qui va pouvoir nous faire de nous ceux qui ont acquis et accepté ces nobles comportements. Et parmi ceux-là, c'est justement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette adoration, elle ne va pas exister, elle ne sera pas établie que si elle comprend trois conditions, trois piliers de l'adoration, car l'adoration est composée en trois piliers. Et le pilier le plus important, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, c'est l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala se fait par la volonté, le vouloir et le fait qu'on veut et qu'on recherche et désire son paradis, son pardon et son paradis. Et il faut aussi, pour que l'adoration soit bien faite, un équilibre qui est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de nous interdire ce qui est interdit, afin de nous éloigner de ce que l'on ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala dans les premiers versets qu'on retrouve dans le Coran, surat al-Fatiha, qui est la surat la plus importante, et on retrouve Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc louange à Allah Seigneur des mondes, qui a à voir avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on loue Allah subhanahu wa ta'ala pas car on l'aime, parce qu'on l'aime. Ar-Rahman Rahim, donc le miséricordieux, le tout miséricordieux, cela revient à quoi? À l'espérance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On espère de ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner comme bien, comme miséricorde, comme pardon et le paradis bi-idhnillah. Et Malik Yawm al-Din par la suite, notre Seigneur du jour dernier, du jour de la rétribution, ce jour-là qui est énorme, on retrouve dans le Coran et dans la Sunna plus de 80 noms ou 80 synonymes qui parlent de ce nom, qui parlent de ce jour, pour dire que les savants ont dit que plus il y a de noms, donc c'est le mabna, ziyada fil mabna, tadullu ala ziyada fil ma'na, plus le sens sera fort. Il y a 80 noms, donc ce n'est pas pour rien que ces noms-là sont venus, tellement ce jour-là est énorme, est illustre. Et par la suite, il dit, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous apporterons le secours. Donc on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et lui apporter le secours, qui est l'adoration totale, en revenant à ces trois versets qui sont venus auparavant, par ces trois versets-là. Le fait qu'on t'aime, le fait qu'on espère en toi, et le fait qu'on ait peur de toi. Donc la personne, afin qu'elle ait son équilibre dans son adoration, il faut qu'elle aime Allah, il faut qu'elle espère en Allah, et il faut qu'elle ait peur d'Allah. Et ces trois piliers sont justement donc ce qui va, le baromètre, ce qui va mettre en avant, ce qui va permettre à la personne d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.